Section 2 de la bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. La bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 2. L'auberge. Pour comprendre la sensation profonde causée à Langogne par l'arrivée du père Bonaventure, il est nécessaire de savoir que l'abbaye de Frontenac, à laquelle il appartenait, était alors la plus vaste, la plus riche, la plus puissante maison religieuse de toute la province. Cette abbaye, située dans le voisinage de Florac, avait des possessions immenses, un sol fertile et bien cultivé, des paysans nombreux et soumis. En outre, grâce à des fondations pieuses, à des fidéicommis, elle exerçait une influence considérable sur une certaine quantité de terres et de fiefs qu'elle ne possédait pas en propre. Les pères de Frontenac passaient pour fort érudits. Leur maison était depuis plusieurs siècles une pépinière de théologiens, de savants, d'historiens, dont plusieurs avaient fait grand bruit dans le monde. Aussi leur abbé avait-il rang de prélat. Il ajoutait à son nom le titre de don. Il figurait parmi les 7 représentants du clergé aux États du Gévaudan qui se réunissaient chaque année à Mende ou à Marvejols sous la présidence de l'évêque de Mende. Enfin, c'était un puissant seigneur au temporel comme un prince de l'Église au spirituel. Or, à cette époque, l'abbé de Frontenac, en raison de son âge et de ses infirmités, se trouvait incapable d'administrer le couvent par lui-même, et son autorité tout entière avait passé au prieur de l'abbaye. Le père Bonaventure, investi de la confiance absolue de son supérieur et du chapitre de Frontenac, avait la haute main sur les affaires de la communauté dont il faisait respecter la règle au-dedans et qu'il représentait dignement au-dehors. Homme studieux, éclairé, en même temps que prêtre fervent, il avait été l'orgueil du monastère avant d'en devenir le chef véritable. À ses qualités, pour ainsi dire cléricales, le père Bonaventure joignait une activité, une intelligence des affaires, une sagesse mondaine, enfin très nécessaire dans un pays où les anciennes querelles de religion étaient loin d'être entièrement éteintes, où l'opposition protestante, quoique sourde et contenue, créait fréquemment des obstacles au clergé. À force de prudence, il était parvenu à triompher des haines secrètes, des rancunes et des jalousies que soulevait la prospérité de Frontenac, et l'on pouvait dire que son administration, adroite et conciliante à la fois, augmentait encore cette prospérité. Aussi, que l'on juge de la fierté et du contentement de Dame Richard en recevant dans sa piètre auberge ce puissant personnage, accompagné d'un jeune parent dont on vantait l'esprit et le savoir. La pauvre femme en perdait la tête. Après avoir introduit ses hôtes dans un petit salon attenant à la cuisine, elle s'était parée d'un tablier blanc et elle courait de fourneau en gourmandant ses servantes. Du reste, tout semblait avoir été préparé d'avance pour la réception d'hôtes distingués. Le petit salon boisé en châtaignier se faisait remarquer par une propreté scrupuleuse, qualité rare alors dans les auberges du midi de la France. Le couvert était déjà mis. Sur une table ornée d'une nappe blanche comme la neige, on voyait des corbeilles remplies de fruits magnifiques, des jattes de crème appétissantes, des pyramides de fraises rouges, des volailles froides aux teintes dorées. Ce tableau réjouissant était bien de nature à distraire le prieur de ses inquiétudes au sujet de la bête du Gévaudan. Cependant, après avoir jeté un regard caressant sur la table, le bon père dit à l'hôtesse d'un ton de regret « Enlevez ces volailles, ma fille. Bien que Léonce et moi nous puissions invoquer le privilège des voyageurs, nous n'oublierons pas que c'est aujourd'hui vigile jeûne. Nous nous contenterons de l'omelette aux truites et de quelques fruits, qui ont fort bonne mine, en vérité. » Madame Richard obéit et emporta les mères éprouvées. Fidèle à ses promesses, elle hâta les préparatifs du déjeuner et au bout de quelques minutes, la célèbre omelette fit son entrée dans le salon sur un plat d'étain brillant comme s'il eût été d'argent. Le moine, une serviette passée sous le menton, s'empressa de donner carrière à son appétit. Et Léonce, dont l'exercice et l'air vif des montagnes avaient creusé l'estomac, l'imita de son mieux. Plusieurs verres d'excellent vin achevèrent de ragaillardir l'esprit et le corps des voyageurs, de sorte que l'oncle et le neveu, l'oncle surtout, parurent bientôt beaucoup moins pressés de partir. L'aubergiste allait, venait sans cesse autour d'eux. Elle ne s'en remettait qu'à elle-même du soin de servir ses hôtes distingués, et tout en trottinant, elle essayait de leur dérober avec adresse quelques renseignements sur le but de leur voyage. « C'était un miracle, un vrai miracle, » disait-elle, « de voir à Langogne le révérend prieur de Frontenac. Mais sans doute le père Bonaventure et le jeune monsieur, son neveu, allaient à Mercoire pour la grande chasse qui devait avoir lieu le lendemain. « Ai-je l'air d'un chasseur ?» demanda le père d'un ton de bonne humeur. « Et Léonce, ressemble-t-il à ces étourdis qui galopent 12 heures consécutives à travers monts et forêts pour voir une pauvre bête déchirée par des chiens ? Cette fois, sans doute, la chasse aura un but plus noble et plus utile, puisqu'il s'agit de délivrer le pays d'un animal féroce qui le ravage. Mais Léonce et moi, nous figurerions très mal en pareille affaire. Mon neveu n'a touché une arme de sa vie. Et moi ? Enfin, ma fille, s'il faut vous le dire, et ce n'est pas un secret, je vais à Mercoire pour assister Mademoiselle de Barjac, la pupille de notre couvent, au milieu des embarras que lui suscitera la nombreuse assemblée annoncée pour demain. Le château sera envahi par des chasseurs, dont quelques-uns peuvent être trop hardis dans leurs discours ou trop peu respectueux dans leurs manières. Ma présence imposera sans doute à ces hôtes turbulents, et c'est pour cela que j'ai entrepris ce pénible voyage. Peut-être le moine avait-il d'autres motifs que ceux qu'il jugeait à propos de donner, mais il parlait avec une aisance et un naturel qui ne devait laisser aucun doute. Dame Richard sourit finement. « Ma foi, mon révérend père, reprit-elle, si ce que l'on compte dans le pays est vrai, votre mission sera facile, car Mademoiselle de Barjac sait très bien se faire respecter toute seule. Je ne voudrais pas mal parler d'une noble demoiselle, d'une pupille de la sainte abbaye de Frontenac. Mais on prétend que la jeune dame est passablement indépendante et qu'elle n'a rien de la timidité des pauvres femmes. En vérité, je n'oserais répéter devant vous la moitié de ce que l'on dit d'elle. » Le père Bonaventure cessa de manger et regarda froidement l'hôtesse. « Expliquez-vous, dame Richard, » reprit-il avec autorité, « je vous l'ordonne. Je tiens à savoir tout ce que l'on dit sur Mademoiselle de Barjac. » « Mon Dieu, révérend père, » répliqua la veuve, intimidée, en versant à boire à ses hôtes, « ce sont des calomnies, sans doute. Les gens sont si méchants. D'ailleurs, on n'attaque pas l'honneur et la considération de votre pupille. C'est une fière demoiselle, on le sait, et les amoureux qui viennent rôder autour d'elle n'ont pas beau jeu. Mais on cause de ses manières vives, de ses brusqueries, de ses caprices, qui vont parfois jusqu'à l'extravagance. » On assure qu'elle s'habille en homme pour courir le pays à cheval, qu'elle a la main fort leste pour punir ceux qui l'offensent, et que même dans ses moments d'impatience, elle ne craint pas de jurer. Oui, notre marchand de fourrage, qui, à la vérité, est un huguenot, affirme l'avoir entendu jurer. » Une rapide rougeur couvrit les joues de Léonce. « Bonne femme, dit-il avec une colère contenue, épargnez-nous ces indignes mensonges, et sachez mieux respecter une fille de qualité. » Il s'interrompit en voyant son oncle l'observer à la dérobée et baissa les yeux. « Encore une fois, mon digne monsieur, répliqua humblement dame Richard, je rapporte les propos qui courent dans le pays, et je n'ai garde d'y croire. Mademoiselle de Barjac n'en passe pas moins pour une excellente personne, généreuse, secourable envers les malheureux, et faisant le meilleur usage de sa richesse. On cite d'elle des traits vraiment admirables. On accuse que son caractère bizarre est emporté. » Le père Bonaventure n'avait montré ni étonnement ni colère en apprenant l'opinion peu favorable du public sur la riche pupille de l'abbaye. Après avoir vidé tranquillement son verre, il dit d'un ton posé « Il suffit, ma fille. Gardez-vous de répéter ces bruits absurdes, car ce serait péché contre la charité chrétienne et l'esprit de justice. Mademoiselle de Barjac, personne ne l'ignore, a été cruellement négligée pendant son enfance. Élevée par son père, chasseur déraisonnable, ne voyant que des hommes dans un vieux château perdu au milieu des montagnes et des bois, elle a grandi sans que personne s'inquiétât de former son cœur et son esprit, sans qu'on songeât même à lui donner les plus simples notions des devoirs de son sexe. À l'heure de la mort seulement, son père s'est repenti de l'abandon complet où il l'avait laissée, et il nous a légué le soin de veiller sur cette pauvre enfant, de la diriger dans la voie du monde et dans la voie de Dieu. Cette tâche n'était pas aisée. Christine de Barjac, malgré son excellent cœur, a contracté des habitudes de révolte qui nous causent beaucoup d'ennuis. Cependant, grâce à la persévérance de nos efforts, grâce au dévouement des personnes pieuses et intelligentes dont nous l'avons entouré, nous finirons bien par triompher de son humeur indocile, de son impatience de toute règle et de tout frein. Voilà pourquoi, ma fille, il faut se montrer indulgent pour elle. Bientôt, sans doute, elle deviendra une femme douce, modeste et réservée, comme on en rencontre dans le monde. Il serait injuste de lui imputer la faute de ses parents. Dame Richat promit de se conformer à ses instructions, comme elle essayait encore d'excuser son extrême liberté de parole. Plusieurs voyageurs à cheval s'arrêtèrent devant la porte de l'auberge. Au même instant, une servante accourut tout effarée et glissa quelques mots bas à sa maîtresse, qui pâlit. « Sainte Vierge !» murmura la belle hôtesse avec épouvante. « Que va-t-il dire ? En bonne foi de Dieu, je ne pensais plus à lui !» Et elle sortit aussitôt avec la servante, sans doute pour aller recevoir les survenants. Bientôt le bruit d'un pas éperonné retentit dans la première pièce, puis on entendit un baiser sonore et une voix mâle qui disait en français « Oui, c'est moi, ma charmante, morbleu, mes valets qui ont passé ce matin par ici ont dû vous annoncer mon arrivée. Tout est-il prêt ?»« Excusez-moi, monsieur le baron, je ne vous attendais plus, » répliqua l'hôtesse mortellement embarrassée. « J'avais tout disposé pour vous recevoir, mais... »« Bon, bon, vous savez, ma belle, que la moindre chose apprêtée par votre blanche main me suffira. Faites donner quelques rafraîchissements à mes piqueurs, et que l'on serve dans le petit salon mon omelette aux truites et ma bouteille de Saint-Péret. Vous viendrez me tenir compagnie, charmante, car votre frais minois excite l'appétit comme la bonne humeur. » En même temps, celui qui parlait sembla vouloir passer outre, mais on le retint. « Monsieur le baron, » reprit la veuve d'une voix presque sanglotante. « Je vous ai dit que je ne comptais plus sur vous. Et alors, d'autres voyageurs ?»« Ah, ah, vous avez d'autres voyageurs ici ? Fort bien, je pourrais m'entendre avec eux si ce sont des gentilshommes et de bons vivants. » Et ouvrant brusquement la porte, l'inconnu entra dans la pièce où se trouvaient le père Bonaventure et Léonce. Ce personnage si peu cérémonieux était un beau et robuste cavalier d'une trentaine d'années, à haute mine, à moustache en croc, aux allures hardies. Il portait le riche uniforme des lieutenants de Louveterie, habit à la française et veste en velours bleu galonné d'argent, culotte blanche, bottes montantes, perruque à la brigadière et chapeau à trois cornes. Un couteau de chasse, dont la poignée était d'argent ciselé, complétait ce costume, qui faisait valoir la superbe taille et les formes remarquables du nouveau venu. Il tenait un fouet à la main et le balançait avec assurance, comme s'il eût été prêt à s'en servir envers et contre tous. Le baron de la Roche-Boisseau, car tel était le nom et le titre de ce gentilhomme, figurait, comme nous l'avons dit, parmi les huit barons qui avaient le droit de siéger aux États du Languedoc et du Gévaudan. Sa famille était une branche cadette de l'ancienne maison de Varinas, éteinte depuis quelques années, mais autrefois une des plus illustres de la province. Les comtes de Varinas, au temps des derniers Valois, avaient embrassé la religion réformée et s'étaient trouvés, jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes, les chefs du protestantisme dans cette partie des Cévennes. Lors de l'insurrection des Camisards, au commencement du XVIIIe siècle, un seigneur de Varinas, bisaïeul du baron actuel, avait tenu longtemps en échec les maréchaux de Bervic et de Villars. Cependant, vaincu dans cette lutte inégale, abandonné des siens, le partisan huguenot fut réduit à se cacher. La tradition voulait qu'il eût habité pendant plusieurs années une grotte presque introuvable, où il était mort, martyr de sa foi religieuse. Les gens du pays montrent encore aujourd'hui cette grotte remarquable par son étendue et par les magnifiques stalactites dont elle est décorée. On l'appelle la grotte de Varinas, du nom de son ancien habitant. Quoi qu'il en fût, ses descendants ne poussèrent pas si loin l'attachement à leurs convictions religieuses. Effrayés des mesures rigoureuses qui furent prises à la suite de l'insurrection, ils renoncèrent ostensiblement à leur foi afin de conserver leurs biens et leurs privilèges aristocratiques. Seulement, on assurait que cette abjuration n'avait pas été sincère pour plusieurs d'entre eux, et qu'ils étaient demeurés protestants au fond du cœur. Le père du baron actuel, notamment, n'avait jamais été renommé pour sa ferveur catholique. et le baron lui-même passait pour un de ces hommes sceptiques, railleurs, dénigrants, qu'on disait, au temps d'Agrippa d'Aubigné, mal sentir la foi. Il montrait beaucoup de goût pour les idées nouvelles et faisait volontiers parade d'irréligion selon la mode d'alors. D'ailleurs, il menait une vie folle, dissipée, luxueuse, au grand préjudice de son patrimoine, déjà fortement compromis, et il imitait en tout cette noblesse inconsidérée dont les fautes préparaient déjà la Révolution. Le père Bonaventure connaissait de longue date le baron de La Roche-Boisseau, que son habileté en vénerie avait fait nommer par le roi louvetier de la province du Gévaudan. Ils s'étaient rencontrés plusieurs fois à l'Assemblée des États, où l'on distinguait le prieur pour sa sagesse et sa modération, comme le baron pour sa légèreté et son humeur querelleuse. De là une inimitié aggravée encore par des circonstances que nous connaîtrons bientôt. Cependant, soit que le moine oubliât en ce moment ces dissensions passées, soit qu'il voulût seulement garder les apparences, il se leva en apercevant le baron et le salua poliment. Léonce, par égard pour son oncle, salua de même, quoiqu'avec une visible répugnance. Monsieur de La Roche-Boisseau ne parut pas remarquer ces signes de déférence. Il restait debout sur le seuil de la porte, le sourcil froncé, la tête couverte. Sans doute, il avait aussi reconnu le prieur de Frontenac, mais il ne jugea pas à propos de le manifester, et se tournant à moitié vers Dame Richard, qui était derrière lui, éperdue et tremblante, il lui dit rudement « Eh, mordieu la belle, je commence à comprendre vos minauderies. De par le diable, vous avez fait manger mon déjeuner à ces moines !» La veuve se répandit en excuses et en lamentations. Ce n'étaient pas les provisions qui manquaient, grâce au ciel, et on pouvait encore offrir à monsieur le baron un repas digne de lui. Seulement, l'omelette aux truites qu'on avait préparée pour monsieur le baron s'est trouvée du goût de ses bons pères, acheva La Roche-Boisseau, et vous leur avez donné la préférence. À merveille, ma belle hôtesse, mais s'ils étaient des gentilshommes au lieu de gens d'église, j'aurais pu troubler leur digestion d'une manière fort déplaisante, je vous assure. » Cette menace appela une vive rougeur sur le visage de Léonce. Toutefois, un regard de son oncle suffit pour lui faire aussitôt baisser les yeux. Le père Bonaventure, qui jusque-là était resté calme et souriant, prit enfin la parole. « Allons, monsieur le baron, » dit-il, avec une politesse un peu ironique, « soyez indulgent pour cette femme. Comme on vous l'a dit, l'omelette aux truites ne formait pas seule l'approvisionnement de ce logis. Il y a encore place à cette table, et si j'en crois certains rapports, aucun scrupule ne vous empêchera de festoyer les jambonneaux et les volailles froides qu'on peut vous servir ici un jour de vigile jeûne. » Cette allusion aux croyances secrètes de sa famille semblait devoir porter au comble l'irritation du baron. Cependant, il réprima sa colère avec effort, et partant d'un éclat de rire, il dit à son hôtesse « Pauvre Richard, comme la voilà consternée. Eh bien donc, qu'il ne soit plus question de ceci. Je suis un chasseur et par conséquent peu difficile dans mes goûts. Apportez-moi ce que vous voudrez, ma belle, pourvu que je n'attende pas, car j'ai hâte. » L'aubergiste, toute joyeuse de ce revirement, s'enfuit en annonçant que monsieur le baron allait être servi sur le champ. Quant à lui, jetant sur un meuble son chapeau et son fouet, il vint s'asseoir devant une partie de la table restée vide, tandis que le père Bonaventure et Léonce reprenaient leur place pour achever leur repas. Fin de la section 2.